Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde, bah, pas du comics cette fois-ci, puisqu'on va pas parler de comics, mais on va parler de quelque chose qui y ressemble un peu. Déjà, bonjour à l'équipe, bonjour à Max qui revient. Salut Max. Salut James. Et il y a Mathieu avec moi. Salut Mathieu. Salut James. Ça va? Ouais, bien. Donc comme je... un peu parce qu'il n'y a pas de comics, mais c'est pas grave. Ah ouais. Parce qu'il pleut aussi. Ouais, en plus il fait. On a bravé la pluie et l'apocalypse météorologique pour venir. Donc j'étais en train de vous dire, on ne parlera pas de comics cette fois-ci, puisqu'on va vous parler de franco-belge et d'animé en même temps et de jeux vidéo en même temps. C'est une grosse émission avec non pas un intervenant en plus, mais deux intervenants en plus. On vous laissera les découvrir tout à l'heure. Donc on va vous parler de Last Man qui passe ce soir sur France 4 à 23h. Regarde, ce soir, votre soirée est déjà prévue. Vous regardez Snap Last Man, il n'y a pas d'autre choix. On vous en parlera plus tard et on va commencer par les news. Allez, les news. Et la première news va être par Mathieu. Oui, on va parler du film Deadpool, le prochain, Deadpool 2. On n'a pas fini d'en parler, je crois. On n'a pas fini d'entendre parler. Alors, autant le premier avait pas mal de hype, là, on entend beaucoup parler, mais pas forcément bien. Le nouveau nom du réalisateur a été dévoilé cette semaine. Il s'agit de David Leitch, qui a réalisé John Wick. C'est un ancien cascadeur professionnel qui a notamment travaillé sur Fight Club et Buffy contre les vampires. Le film est attendu pour 2018, pour l'instant. Alors, peut-être un nouveau scénariste bientôt, un nouveau compositeur. Toutes les semaines, vous avez une personne qui part ou qui arrive. Ça a pas l'air très très stable, oui, c'est dommage parce que c'était quand même une belle réussite et puis il y avait du potentiel, donc faudrait pas qu'à force il casse un peu visiblement la très bonne ambiance qu'il y avait sur le premier. Ok, et on va passer à une autre news. Et moi, je vais vous parler de Bone qui va rencontrer le Petit Prince. Alors, si vous ne connaissez pas Bone, c'est un chef-d'œuvre de la culture comics de Jeff Smith. Donc, c'est l'histoire d'un espèce de petit bonhomme un peu cartoon qui part de sa ville avec ses deux cousins, je crois, et qui arrive dans une vallée un peu mystérieuse avec des monstres, un truc un peu de dark fantasy. Et c'est vraiment un comics qui a marqué l'histoire du comics. Je crois que tu l'as pas lu, mais que tu l'as, Mathieu. Il est dans l'horrible pile de trucs à lire. Ok. Et je vous en parle parce que Warner Bros. Est en train de sortir, en train de sortir un film d'animation dessus. Et ça va être Mark Osborn. Donc je parlais du Petit Prince dans le titre parce que c'est lui qui a réalisé le film Le Petit Prince qui était pas mal du tout. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, vous n'avez pas vu. Non. Et bah, il était plutôt pas mal, je vous le conseille. Si vous avez des enfants, c'est sympathique. Du coup, et bah, c'est lui qui va réaliser ça. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est vraiment un univers graphique qui prête à l'animation et à un film d'animation. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir un chef-d'œuvre, oui, un truc aussi culte et aussi cool à voir en animation. Autre news. Et on parle encore d'animation et c'est Max qui va nous parler de. Justice League Dark. Ouais. Du coup, Warner Animation a dévoilé la semaine dernière le trailer de Justice League Dark qui reprend en fait l'event des New 52, la guerre des ligues. Ouais. Et ça continue toujours dans cette même storyline où avec le chara-design de Young Justice, ouais, et de un des autres d'ailleurs, Justice League versus Teen Titan. Ouais, et de même Son of Batman. Cher Damien, Son of Batman. Du coup, là, si vous attendiez à voir la Justice League Dark avec Constantine, Zatanna et Deadman. Ouais. Et bien là, il faudrait y rajouter Batman parce que il faut qu'on vende Batman. On doit vendre Batman. Mais dans la guerre des ligues, c'était un peu ça. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, je l'ai lu, mais du coup, Batman était un peu entre. Ouais, en retrait. C'est en même temps que Forever. Enfin, c'est pas loin de Forever Evil. C'est juste après, ouais. C'est des événements qui se touchent. Et autant Forever Evil, j'avais adoré. Autant la guerre des ligues, ça m'avait un peu ennuyé. Je sais pas si ton avis, Mathieu. J'avais pas lu, par contre. J'avais lu le comics de Justice League Dark. Donc avant, je pense, ouais, la guerre des ligues. Et effectivement, j'avais été un peu déçu par le trailer parce que je m'attendais à du 100%. Voilà, Justice League Dark, c'est la Justice League, mais avec les magiciens du monde de DC Comics. Là, ça a l'air moins, ça a l'air beaucoup plus action. Ouais, d'autant plus qu'ils sont tous assez sombres. Hein. Constantine, c'est quand même un gros salopard. Ouais, mais le Constantine bordel. Version DC, il est un peu plus cool. Il est beaucoup plus c'était une équipe qui fonctionnait pas en fait, mais c'était volontaire, quoi. C'était dysfonctionnel et le comics était assez cool quand même. Donc, du coup, ouais, moi je suis un peu. Moi en plus, je trouve que le chara-design de Young Justice, autant il marche super bien sur la série, autant sur les films, je trouve ça manque de caractère d'un truc à propre. En plus, ils mêlent une 3D avec une 2D dans certains plans. c'est pas super ouais. beau. Ouais. Ça avait l'air assez blockbuster. Et d'ailleurs, enfin, tous les autres films de la ligne Justice League versus quelque chose sont pas super super. Ouais, ouais. Autant les vieux animations genre Batman versus Red Hood, c'était super bien. Je trouve que Warner Animation, ils perdent vraiment en qualité. Du coup, bah, on va passer à une autre news. Et c'est Mathieu qui veut nous parler d'un vieux papy du comics. Ouais, monsieur Stan Lee, qui fête ses 75 ans cette année. Alors, c'est même pas 75 ans de vie, c'est 75 ans de carrière. C'est-à-dire que quand il a commencé, il y a quand même un certain temps, papy. Il est quand même connu pour être le père du comics moderne. Il a bossé chez Marvel avant tout. Il a créé notamment avec Steve Ditko et Kirby, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Spider-Man. Pratiquement tout l'univers Marvel. Oui, voilà, quasiment tout l'univers Marvel des années 60-70. On le lui doit. Il a juste quitté Marvel en 98 pour fonder son propre studio Poe Entertainment, ouais. qui était peut-être plutôt sympa, mais bon, faut reconnaître que ça arrivait pas forcément à la hauteur de Marvel. Je crois que j'ai rien lu de sortie de ça. Il est venu un truc ou deux. Il a tenté de lancer des comics comme ça. Après, bon, ça marchait moins bien quand même. Peut-être il avait un peu moins de jus, quoi. Il est encore producteur. Ouais, voilà. Il a peut-être. C'est comme Chris Claremont. Au bout d'un moment, peut-être qu'ils ont les idées de maintenant marche moins la bien. La retraite, c'est bien. Lui, pour l'instant, pas la retraite, pas encore. Il est toujours producteur exécutif sur tous les films qui incluent ses personnages. Il fait même des caméos, donc ouais. C'est le fameux papy que vous voyez un peu à droite à gauche qui apparaît dans tous les films. Donc la retraite, non, pas encore. Pour les gens qui lisent pas de comics, c'est quand même un grand, enfin, c'est quand même un mec oui, ouais, qui a marqué. Oui, oui, là, voilà, il a eu, oui, c'est quand même. Mais maintenant, il faudrait qu'il arrête un peu. Et on peut passer une autre news après cette vanne un peu borderline. Et moi, je vous parlais d'un autre reboot. Vous en aviez marre des reboots, encore du reboot. Donc, on n'avait pas eu le temps d'oublier le film assez moyen du petit Frenchy, Michel Gondry, avec Seth Rogen et je ne sais plus qui c'est qui jouait Kato, de la Paramount qui mettait en scène Green Hornet. Je sais pas si vous avez aimé ce film, moi je l'ai trouvé plutôt moyen. Je l'ai vu, j'ai oublié. Ouais, pareil. Et là, Paramount a annoncé un nouveau reboot de l'univers avec Gavin O'Connor aux manettes. Donc un reboot un peu plus sombre, un peu plus violent. Ça va avec le réalisateur qui est un peu plus testostéroné, comme on pourrait dire, puisqu'il a réalisé le film Warrior avec Tom Hardy, qui est c'est un des moins bons films avec Tom Hardy, je pense, où il a joué un combattant de MMA. Et il a aussi réalisé le dernier film de Ben Affleck, Mr. Wolf. Alors, selon ses dires, Monsieur Gavin est un vrai fan du personnage. On va espérer, parce que à côté de Gondry, qui avait cité en interview que les comics c'était une lecture pour petits fascistes, je pense que c'est vilain. C'est pas très gentil. Est-ce que tu sais pourquoi Warrior était pas super bien? Pourquoi? Parce que Tom Hardy n'avait pas son accent de gitan. Ah oui, c'était pour ça, c'était sûrement pour ça. Espèce d'enfoiré. C'est pas grave, on passe à une dernière news. Et on va vous parler des sorties de la semaine, comme on a commencé la semaine dernière. Donc vous savez pas quoi acheter cette semaine, et moi je vais vous le dire, puisque mercredi, si vous avez pas acheté Walking Dead, je pense que tout le monde a acheté Walking Dead. Est-ce que tu as acheté? Non, je n'ai pas acheté Walking Dead. Et maintenant tu vas pouvoir acheter l'édition Prestige. C'est un peu la semaine des intégrales, je vous préviens. Donc c'est des éditions qui réunissent les deux volumes en un seul, et qui vont coûter 27€. Est-ce que ça te hype un peu? J'attends que tu te demandes les tiens, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Moi ils sont pas de luxe, c'est énorme. En plus, ils sont pas à moi, ils sont à Faye, donc on verra. Elle le saura pas, c'est bon. Et comme je vous parlais d'intégrale et de réédition, vendredi, un truc dont je vous ai déjà parlé dans l'émission, pendant l'émission Halloween, c'est Lock and Key, et c'est la Master Edition, donc c'est une grosse édition, qui va contenir deux volumes d'un coup, pour 30€. Et je ne l'ai pas dit, les Walking Dead sont à 27€. Donc pour 30€, du coup, ça vous fait tout l'intégrale des trois de toute la série Lock and Key, qui est vraiment très très bien, pour 90€ au lieu de 120€. Donc c'est un gros investissement, puisque 30€ c'est quand même pas rien pour un comics, mais ça vaut le coup, donc jetez-vous dessus. Et on va finir avec une dernière intégrale, et c'est Tank Girl qui sort en intégrale chez le label 619, donc le label Lankama, pour 34€. Est-ce que je t'ai hypé, Mathieu, sur... Tank Girl, oui, faut que je les rachète. J'ai un vieux truc tout pourri, ça m'avait vraiment... C'est les Australiens qui scénarisent, ça se passe dans le bush, c'est complètement taré. C'est pas anglais plutôt? Aussi, Olette, ils sont anglais, pardon. Par contre, ça se passe en Australie, ouais. Les auteurs sont anglais, pardon. C'est Olette et je sais plus qui c'est... Alan Martin, ouais. Alan Martin, ouais. C'est un grand, pas chef d'œuvre, mais c'est un truc marquant des comics. Ouais, c'est plutôt underground pour le coup, mais dans ouais. Le milieu underground des comics, ça a très bonne presse. Ouais, moi je me rappelle avoir lu... C'est complètement barré. C'est complètement fou. Si vous aimez beaucoup Gorillaz, et en fait, le dessinateur qui a fait tout le le chara-design de Gorillaz, c'est repris de, enfin c'est le même dessinateur. Ouais, donc ça je pense que j'irai claquer 34€. Ok, et ben moi je me suis fait acheter cet après-midi, puisque pour la petite anecdote, Faye n'est pas là parce qu'elle est malade, et pour se faire pardonner, elle m'a acheté les deux premiers tomes de Lock and Key, et ça c'est super cool parce que j'en avais que le premier. Tu sais qu'on le fera pas nous ça, hein, le jour où on est malade on vient pas, c'est tout. Ah, et ben c'est dommage, c'est pas grave. Et ben on va finir ces news, c'est fini, et on va passer à la première pause musicale, et c'est un son de Perturbator, et j'ai oublié de noter le titre, et c'est notre premier invité qui a choisi ce son, donc c'est parti pour Perturbator. Thank you. toujours sur Comics Discovery, sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 sur Montpellier et puis sur Internet pour toute la France. D'ailleurs, comme j'y suis, maintenant vous savez que vous, sur le nouveau site Comics Discovery, vous pouvez écouter directement puisque j'ai mis le plugin ce matin. Donc, on est avec notre premier intervenant et je suis vraiment content de l'avoir puisque c'est un peu, je pense qu'il ne le sait pas, mais le parrain entre guillemets à l'émission puisque c'est lui qui m'avait aidé à trouver le titre. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Salut Sullivan. Je m'en souviens, bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va, tranquillement, ouais. Je suis en plein boulot là, au moment même où je vous parle, je vais essayer d'arrêter tout ça pour être bien concentré. Ok, donc on t'appelle parce que on voulait vous parler de Last Man et c'est un peu cette personne qui m'a donné envie de backer le projet. Donc est-ce que tu peux te présenter et après présenter un peu le projet Last Man, donc la BD, ouais, tout ça ? Carrément, me présenter, bah écoute, je vais faire ça vite, je suis rédacteur en chef et fondateur d'un petit réseau indépendant consacré à la culture pop qui s'appelle Art, qui contient trois sites, du coup comicsblog.fr qui est notre plus gros site qui se consacre à la culture comics, Marvel, DC, les adaptations, mais aussi beaucoup le comics indépendant parce que c'est quelque chose pour lequel on se bat beaucoup aujourd'hui, fightfantasy.fr qui est un site qui lui parle de fantasy et de science-fiction comme son titre l'indique un petit peu, donc cinéma, série télé, littérature, et ainsi de suite, on se permet même de dépasser, de faire un peu de politique et de ce genre de choses. Et puis 9ème art, du coup, qui est le site pour lequel je suis là aujourd'hui, puisque c'est là-dessus qu'on parle de Last Man, qui est un site qui parle tout simplement de toute la BD en français, que ça vienne de France, des États-Unis ou du Japon, peu importe, on regarde pas, que ce soit de l'indé ou de la méga-production, là aussi, peu importe. Et c'est d'ailleurs un site qui a été créé au départ parce que je savais pas où et comment parler de Last Man à l'époque où on avait seulement comicsblog.fr, et que je me suis dit que l'occasion était trop belle et que je ne pourrais pas, de toute façon, ne pas parler de Last Man vu que comment je suis tombé amoureux de la série dès le premier tome. Et le site est né du coup 6 mois plus tard pour la sortie du tome 2. Aujourd'hui on en est au tome 9. Last Man, c'est une série qui sort chez Casterman, c'est une série de BD qui ambitionne de faire un petit peu comme les mangas au niveau du rythme de production, du format et du ton. C'est une BD qui est faite en atelier aussi, un petit peu comme le font les mangaka, même si là, au lieu d'avoir un gros auteur, on est sur trois auteurs qui sont peut-être connus d'ailleurs si vous-même, auditeur, vous êtes déjà fan de BD, puisque Sébastien Vives, Balak et Mickaël Sanlaville, donc ils avaient tous une carrière avant, Balak, ils ont tous une carrière à côté en même temps d'ailleurs, Balak a notamment créé Les Cassos, la série animée YouTube que vous connaissez tous. Sébastien Vives, ça fait la carrière qu'on lui connaît. Et Mickaël Sanlaville bosse en ce moment pour Flux Glacial et plein d'autres belles choses. Et c'est un mec en or aussi. Et les trois sont des mecs en or d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je sais même pas s'ils écoutent, donc je dis uniquement ça pour faire plaisir. Mais voilà, c'est vraiment un projet de mec incroyable. Et c'est un projet qui en plus est lui aussi tout aussi incroyable dans ce qu'il a proposé, puisqu'il est passionné, il est bourré de talent. Il est d'une ambition quasiment jamais vue, de celle de faire un manga à la française en France, avec du coup pour un public de notre génération, donc c'est un public qui va entre 15 et 35 ans, je dirais, même si on a des lecteurs plus jeunes et des lecteurs plus vieux. Bon, mais du coup, je vais partir, hein, du coup. reste là. Et c'est un projet qui, en plus, a l'ambition, au-delà de sa série en BD qui finira en 12 tomes, là où on en est à 9 aujourd'hui, de se décliner en jeu vidéo, donc avec un jeu qui est déjà sorti, qui est là aussi un jeu indé, qui s'appelle Last Fight, qui est dispo sur le Xbox Live Arcade et sur le PlayStation Network. C'est un jeu à la Power Stone, pour ceux qui se souviennent un petit peu de Power Stone sur Dreamcast, un jeu de baston qui nous permet de revivre un moment clé de l'histoire de la saga, puisque c'est un moment qui ne fait pas partie de la bande dessinée. Et qui commence ce soir, et la raison pour laquelle je suis avec vous au téléphone, Last Man, la série télé, qui sera diffusée sur France 4 pendant 4 mardis, en deuxième partie de soirée à partir de 23h dès ce soir, et vous aurez des soirées de 6 épisodes de 13 minutes chacun, il y aura 24 épisodes au total. J'ai eu la chance de voir la première soirée, moins le dernier épisode, c'est absolument fabuleux, et quand je disais que c'était une rencontre de talent jamais vue au niveau de la BD, c'est un peu pareil au niveau de l'anime, parce que c'est Jérémy Perrin qui est réalisateur de l'anime, et que Jérémy Perrin, c'est juste la crème de la crème de la crème de l'animation française. C'est un mec qui a un talent absolument furieux et qui a rien à envier aux Japonais et aux Américains, si ce n'est leur budget. Et j'espère en tout cas que vous hallucinerez devant le ton, parce que c'est très adulte, et devant la qualité de la semaine de la série, parce que c'est vraiment quelque chose d'événementiel, tout simplement en France, quoi. C'est un petit miracle que la série soit allée au bout. Et donc on se retrouve là aujourd'hui avec une série, un jeu vidéo et une série télé, comme les énormes projets japonais et américains, sauf que c'est fait en France, c'est fait avec de la passion, c'est fait quasiment dans un garage, et c'est un des projets les plus excitants de ce que toute la BD a à nous offrir en ce moment. Et là-dessus, je peux vous en parler, parce que je lis tellement de BD tous les jours que si je lisais que des trucs comme Last Man, je serais le plus heureux des hommes, mais c'est vraiment avec Last Man, parmi d'autres, hein, évidemment, mais que je m'éclate le plus. Voilà, je pense que le tour est fait. Ok, bon, Maxime avait raison puisqu'il m'a dit tu le lances sur la semaine et ça y est, t'as toute ton émission qui est faite. Alors c'est sûr que je peux encore vous en parler pendant 2 heures. Surtout qu'on avait la chance d'avoir les auteurs avec nous à Nantes ce week-end là, pour tout play. Ils venaient présenter les études en avant-première et j'insiste sur le fait que c'est des auteurs hyper abordables, hyper gentils, hyper talentueux évidemment, mais surtout très abordables. Ils font beaucoup de dédicaces à la sortie de chaque tome de la semaine et je conseille chacun d'entre vous de ne pas flipper d'aller les voir parce qu'ils sont très très accueillants, ils sont très marrants et ils seraient ravis de faire une dédicace sur chacun de vos tomes de la semaine. Et même si c'est un projet qui comme ça peut paraître comme un truc énormissime parce qu'ils ont une vidéo et une série télé, ça reste un vrai projet de passionné. Quoi. D'artisan de la BD et du jeu vidéo. Et exactement. Il n'y a pas eu un financement participatif à un moment donné ? Si, il y a eu un Ulule, oui, un Ulule, que j'ai eu la chance de participer. Sur la série ou sur, ouais. sur l'anime. L'anime. Donc qui a plutôt bien fonctionné, même s'ils sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient, mais ça a plutôt bien fonctionné et c'est assez cool. J'ai oublié de noter. En fait, c'était pour sauver la série même, puisque la série a eu des difficultés à un moment en cours de production. Là aussi on pourrait penser que parce que c'est France 4 et tout, la série est sur des rails, mais en fait pas du tout. Ça a été assez compliqué à produire pour eux. On est sur une équipe d'animateurs qui ont bossé 7 jours sur 7 et tout, et à un moment donné, il y a eu un souci d'argent qui s'est posé. Et donc ils se sont dit on va soumettre la série à nos fans, à nos lecteurs et tout, et au final ils ont soulevé 190 000 euros quasiment. Donc ça, même si c'est vrai que l'objectif final était de 350 000, ça a complètement sauvé le projet. Et la bonne nouvelle qu'en a résulté derrière, c'est qu'on aura 24 épisodes terminés et pas une diffusion en animatique de la seconde moitié de la saison comme ça a été discuté à un moment donné. On sera sur un vrai projet terminé et qui en plus sortira en DVD et en Blu-ray pour les gens qui n'auraient pas de télé. Donc ils vont aller au bout de leur idée. Et pour finir, est-ce que tu peux nous donner 2 raisons d'être devant son téléviseur ce soir à 23h sur France 4 ? Alors déjà, parce qu'à 23h, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire et que vous avez du coup le temps de ne pas regarder la télé avant, d'aller jouer à des jeux vidéo, d'aller lire des BD, de mater un film que vous voulez absolument voir. Et surtout, la deuxième raison, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un petit événement. Et en fait, même au-delà de juste vous faire plaisir pendant une heure, parce que c'est ça, il y a à peu près une heure d'épisode ce soir, c'est super important au niveau de la politique et tout. Et là je pense vraiment à chaque individu, à nous tous, lecteurs, spectateurs, amateurs d'animé ou quoi. Chaque personne qui sera devant son téléviseur fera qu'une saison 2 sera peut-être envisageable, fera qu'il y aura peut-être le succès au bout du tunnel pour eux. Et honnêtement, moi je les ai vus trimer en off et ils le méritent vraiment. Et c'est quasiment un acte politique de regarder la semaine ce soir parce que je peux vous dire que France Télé n'était pas toujours hyper chaud à l'idée de développer la semaine de la série, qu'il y a eu un changement de grille en cours de route et le fait que ça sorte malgré tout, c'est déjà un miracle. Donc chaque soutien sera le bienvenu et croyez-moi que les auteurs vous en remercieront si le succès est au rendez-vous. Ok, bah merci beaucoup pour ton intervention. On me dit dans l'oreillette que tu es au TGS ce week-end pour... Oui, tout à fait, c'est ça. Donc si les gens veulent te voir, veulent discuter avec toi, et bah, qu'ils aillent à Toulouse pour le TGS. On venait parler de Comics Indé et de la semaine, on sera très dispo. On anime une conférence sur les Comics Indé avec Bliss et Thierry Barnett Delcourt. Et on sera tous les 3 jours, les 2 jours d'ailleurs, c'est sur samedi dimanche. Mais on arrive le vendredi, on repart le lundi. On sera à Toulouse effectivement tout le week-end. Donc n'hésitez pas vous aussi à venir nous voir, on a plein de trucs à discuter, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y aura le Rogue Leader aka République? Oui, il y aura le Rogue Leader et il sera là, il sera avec moi, on vient tous les deux. Ouais. Du coup, t'es avec toi, tu vas y aller, Max ? Du coup, je suis avec toi. C'est le premier fan de République de France. De France. Je lui transmets. Je lui dis ça tout de suite. Ok, bah merci beaucoup à toi, Sullivan. Et merci puis, allez, écoute, regardez la semaine ce soir et allez sur Comic Blog et sur Sci Fantasy et sur 9 Mars. Parce que c'est des sites cool et qui. Exactement. Eux aussi, il faut les soutenir. Hein. On vous accueillera avec grand plaisir. Et ce soir, 23h, France 4, on compte sur vous. Ok, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Et bah du coup on va enchaîner sur notre avis à nous sur la série et sur la BD. On va peut-être commencer par la BD puisque c'est ça qui a été en premier. Donc Max. C'est ça. Toi, du coup en fait il m'a cassé la moitié de mon. Ouais, là, ça va être difficile de meubler. de meubler en fait. Du coup. Moi j'ai découvert la série très récemment. Enfin, très récemment, il y a 20 minutes. Il y a une heure à peu près. Non, pour être sincère, comme je l'ai dit tout à l'heure, Faye est malade. Du coup, c'est Max qui remplace au pied levé notre chère petite Faye. C'est ça. Et donc tu vas nous donner notre avis sur la BD que tu as lue il y a même pas 2-3 heures. C'est ça. Du coup, tu m'en avais énormément parlé, Sylvain en avait énormément parlé. Je m'en rappelle d'un échange qu'on avait eu au Cultura où tu m'avais dit « Mais achète la Sman, achète pas cette merde qu'est Spider-Man, achète la Sman et tout. » Et bon, mon cœur est allé vers Spider-Man. Comme toujours. Et donc cet après-midi, on s'est vu vite fait à midi, tu m'as passé le comics. Et je l'ai lu là, pendant ma pause. Et le premier tome commence en fait, où c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans une école, où il se prépare au combat. Pour un tournoi. Et du coup on sait pas trop ce que c'est ce sport, parce que du coup tous il y a l'impression d'avoir une ligue, c'est des gros événements de la ville, c'est ça, c'est des tournois régionaux. Et de ce que j'ai compris de ce premier tome, ce combat comme il l'appelle, c'est un espèce de sport à mi-chemin entre le championnat du monde de DBZ, ouais, le tournoi d'arts martiaux. Le tournoi d'arts martiaux, voilà, où les rings sont carrés. Et si tu tombes du ring, t'es éliminé. C'est vrai. Et un peu les combats d'Avatar The Last Airbender, où il y a des utilisations de pouvoir. Y en a ouais, un c'est qui vrai mettre... que ça fait beaucoup penser à Avatar. Il y en a un qui utilise le vent, l'autre, il concentre les énergies, il fait des petites flammes. Il y a différentes écoles, il y a l'école du vent, l'école du chêne. De l'arbre. C'est ça. Et du coup. La spécificité. Voilà, merci beaucoup de ce tournoi, c'est qu'en fait c'est des équipes de 2 personnes. Et au dernier moment, notre héros il peut pas participer parce que son pote avec qui il devait faire, il a bouffé une raclette. Et du coup, il a mal au ventre et ils sont forfaits. Donc il est là, il est triste. Il est dégoûté. Il est complètement dégoûté et puis il attend ça. Il va vers sa maman et sa maman lui dit bah attends, on va attendre là, peut-être il y a quelqu'un qui va arriver qui va te sauver. Au dernier moment. Et puis là, bam, le Deus Ex Machina arrive. Et c'est Richard Aldana. Le fameux, aussi bien que Belmondo après avant lui. Et du coup, il arrive et puis il est là, dans son. Je sais pas comment c'est, mais. T-shirt. Non, il a une espèce de veste, je sais pas si c'est du cuir ou. Une espèce de perfecto. Un peu, ouais, une espèce de perfecto. Il arrive comme ça et lui, il a 3 objectifs dans la vie: casser des gueules, se saouler et se taper la mère du héros. Du coup, il aide le petit héros. Du coup, voilà, il s'inscrit au tournoi, ils vont faire équipe ensemble et du coup, on voit toute leur progression et le tome 1 s'arrête là. Et oui. Et on a l'impression que parce que c'est dans un espèce de monde un peu médiéval fantastique, excusez-moi, et on a l'impression que Richard Aldana est un peu bizarre, et pour moi, enfin, qui ne vient pas d'ici, et pour moi qui ai lu la suite, je vais vous spoiler un peu, ce monde un peu médiéval fantastique va vite changer à un espèce de monde un peu post-apo, un peu dégueulasse, très adulte, avec beaucoup de sexe et beaucoup de ce genre de trucs, et ça va partir dans toute une autre histoire, que je vais pas vous spoiler, parce que c'est vraiment super de pouvoir découvrir au fur et à mesure l'univers de Last Man. Et franchement, plus vous allez lire le premier tome est un peu bon, d'accord, c'est pas oufissime, mais plus tu vas commencer, plus l'univers va prendre de l'étoffe et plus ça va être meilleur. Et franchement, je vous conseille vraiment beaucoup beaucoup la BD avec un trait qui est assez particulier. Franchement, il faut s'accrocher. Hein. Si vous venez du comics, c'est pas. Pour vous donner une idée, vous voyez les mauvais épisodes de Dragon Ball Super où ils sont mal dessinés. Ouais. Ben c'est ça. Tout le long. Non. Mais comme disait Sullivan, ils sont 2 en tout cas au moins à s'occuper du dessin. C'est un peu hétérogène, ça se voit. C'est effectivement. Alors c'est peut-être le premier tome. Il faut qu'il se. Peut-être qu'il se. Après c'est très dynamique. C'est oui. Ça qui est cool. Par contre c'est vraiment très très dynamique. Ouais, c'est très. Les combats sont super beaux. Ça t'as vraiment l'impression de lire un animé. Avec un côté un peu plus brouillon, c'est vrai. Ça me faisait penser quand je l'ai lu, ça me faisait penser au manga Dofus avec c'est très rond, je trouve. Tous les traits sont très ronds. Il y a pas vraiment d'angle. C'est très rond, les coups de poing. C'est des trucs un peu ronds. C'est pas des formes entre guillemets agressives. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, moi ça m'a complètement rebuté. Il y a des planches. Tu n'achèteras pas la suite. Non, je n'achèterai pas la suite. Il y a des planches, ça m'est tombé des mains. Genre, j'ai pris des screens, je les ai envoyés à James, il m'a pas répondu parce que je pense que je l'ai heurté dans le son. Le mec m'a mis Beaux-Arts sur 20. En mode quand Maxime troll. Est-ce que Mathieu, t'as un petit avis sur la BD puisque t'as eu la chance de la lire aussi? Oui, à la base, donc c'est moi qui devais parler de la BD, oui. Et on m'a appris à 3 heures que je devais parler de l'animation. Désolé. J'en parlerai dans 2 minutes, mais ça sera n'importe quoi. Oui, moi j'étais. Ce que j'ai bien aimé dans le premier volume, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment bien marié les cultures européennes et manga, parce que c'est très inspiré du manga. Comme vous avez dit, Max, c'est Dragon Ball, c'est Airbender. Il y a un petit côté comics quand même. Pas tant que ça. Plus après, en fait. Fait penser même à du Naruto à un moment donné. Les thématiques sont un peu les mêmes. C'est un shonen en fait. C'est des jeunes enfants, ados. T'as le passage à la vie adulte. T'as le fait que le gamin est un peu isolé par rapport aux autres, comme Naruto qui a le démon en lui, ou ce pauvre Sangoku qui est complètement décalé dans toutes les relations sociales qui peuvent exister. Et je trouvais que le mix était vraiment bien fait avec toute cette ambiance manga complètement. Et à côté de ça, effectivement, le village, tu le découvres. Alors t'as aucune notion de temps ou de... Ouais, c'est très intemporel. D'espace, tu sais pas du tout où c'est. Tu comprends que c'est pas chez toi parce que la faune d'entrée de jeu est assez complètement exotique. Ouais. Il y a des espèces de... Mais c'est fait exprès, c'est vraiment... Ouais. Ça traite des paysans en fait. Et du coup, c'est assez subtil. Moi, j'ai bien aimé ce mix des deux cultures. C'est pas du tout artificiel. Même dans les dialogues, dans la manière de mettre en scène les personnages, t'as deux, trois scènes qui détonnent complètement. Et le personnage de Richard Aldana, qui effectivement, lui, n'a absolument rien à voir avec... C'est le badass total. Ouais, et pour le coup, moi, ça m'a donné l'impression que c'est un peu le franchise qui voilà. Il y a un côté, tu disais Belmondo, mais il y a un côté très Belmondo en fait. Ouais, il arrive, puis il allait, vous connaissez pas les motos les gars? Ouais, c'est ça, c'est vraiment le franchise qui arrive dans un monde pour le coup assez l'image qu'on peut se faire du Japon, c'est-à-dire avec ses codes moraux, sa vie autour de l'art martial. Et lui, comme disait Max, il en a rien à secouer, lui il veut taper des gueules quoi. Du coup, même la manière dont il se combat, ça les choque tous parce que. Oui, en fait, eux ils sont tous dans l'art martial et lui il fait de la boxe, il cogne, c'est un frappeur de rue quoi. Ouais, et puis même la manière dont il interagit avec la mère à un moment. Oui. Il y a toute une scène avec la mère où il y a un mec qui essaie de la draguer, alors il lui dit voulez-vous manger avec moi, et limite il lui fait des courbettes, il la salue et tout, et l'autre il arrive à les poupées, viens on va boire une bière et tout. C'est du Franck Margerin un peu, c'est vraiment ce côté un peu franchise qui pas qu'il est respectueux mais voilà, il a ses valeurs et puis le reste il s'en fout un peu quoi. Du coup c'était assez cool. Ouais, donc moi aussi je trouve que c'est vraiment trop cool, je vous conseille fortement. Mathieu, vous le conseillez aussi? Max un peu moins. Visuellement je reconnais que ça pique un peu parfois. Mais on va passer à l'anime qui ne pique pas du tout par contre. Non, l'anime, je l'ai vu ce week-end. Alors j'ai vu sur France 4, vous avez déjà les deux premiers épisodes en replay qui nous sont offerts gentiment avant la grande nuit de ce soir, où comme a dit Sullivan, tout le monde aura trois épisodes ou quatre épisodes, je sais plus. Et donc c'est des formats courts, donc comme il disait, ouais, 10 minutes, 12-13 minutes. Du coup c'est quand même très dynamique, c'est très péchu. Je suis pas ennuyé une minute. Alors pour le coup ça a rien à voir avec le manga. En fait c'est un préquel. Voilà, c'est un gros. C'est avec le même personnage, c'est Richard Aldana. C'est la jeunesse de Richard Aldana. Ouais, voilà. Qui pour le coup se passe dans notre monde actuel. Même dans le. Enfin voilà, après pour l'instant ça a l'air dans un club. C'est le monde qu'on voit dans la suite de la semaine en fait. Et très vite on s'aperçoit que l'histoire c'est peut-être un peu plus que ça, qu'il y a des personnages qui sont pas vraiment ce qu'ils ont l'air d'être. Enfin du coup rien que sur les deux premiers tu vois qu'il y a un gros travail de background derrière. L'animation est vraiment somptueuse. L'animation c'est génial. C'est vraiment fluide. Jérémy Perrin c'est un fou. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un clip de lui, vous tapez Jérémy Perrin Fantasy. Donc si vous aimez un peu les films à la Carpenter, je pense que vous allez adorer. Ça s'appelle Fantasy. C'est un clip d'un groupe, je sais plus le nom du groupe. Allez voir, c'est vraiment cool. Et puis le ton est assez, le ton est mine de rien assez. C'est le même ton que Last Man, c'est très adulte. Il y a vraiment moins de 2-3 réflexions. Alors c'est pas que c'est cartoon, mais ça reste quand même de l'animation. C'est semi-adulte. Du peu que j'en ai vu, ça fait très Dofus. Hein. Pour ceux qui regardent ceux qui ont vu le dessin animé Dofus, non. C'est très rond, c'est très. Il y a un petit peu. Ouais, ça me fait penser à One Punch Man peut-être, ou à Space Dandy, dans ce truc un peu avec des personnages un peu dégingandés comme ça. Par contre, effectivement, le ton est beaucoup plus adulte, c'est assez violent. C'est vraiment pour ado quoi. Du coup, le décalage est assez intéressant. Je pense que si t'as pas trop aimé la BD, je pense que vraiment tu vas kiffer le. J'espère te le survendre, mais c'est vraiment bien. Moi, je sais que j'étais tellement été hypé par Sullivan dans tous les podcasts où il arrêtait pas de dire bon, ouais, achetez ça. Du coup, j'ai acheté les premiers tomes de la semaine et du coup, j'ai backé pour le, enfin, j'ai participé au Ulule pour avoir les magnettes mettre sur son frigo. Non, ah. C'est les cartes postales. J'ai donné 20 euros pour. Je me suis fait hurler dessus par Max qui trouvait ça nul à chier de mettre 20 euros pour des cartes postales. Tu veux donner ton avis? Non, mais j'espère que quand tu partiras en vacances, tu me les enverras. Tu vois, tu mettras un tarot, tu me les enverras. On verra, j'ai mis 20 euros quand même, donc je vais peut-être me les garder. Donc, vraiment, j'ai eu la chance de le voir en avant-première et c'était vraiment génial. Enfin, j'ai adoré l'animé et je peux que vous conseiller d'être devant France 4 à 23h. Oui, puis comme disait Sullivan, c'est franco-français, mais c'est bien fait, donc c'est vrai que c'est. Il faut soutenir. Voilà, c'est presque une quête des fans français de soutenir et même France 4 qui d'ailleurs rien à voir, mais qui passe une série qui s'appelle Deadland dimanche, qui est une série de gens horrifiques françaises aussi. Par François Descraques. Oui, voilà, qui avait fait Le Visiteur du Futur, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, bah, c'est bien ce qu'ils font. C'est bien de mettre en avant voilà. un peu ils de culture française. Ils avaient passé Reboot aussi de Devil May Cry. Ouais, ils ont passé Reboot. Reboot qui est génial aussi d'ailleurs. Bon, on va passer à la deuxième pause musicale et après on va parler du jeu vidéo avec notre dernier intervenant. Et la pause musicale est une dédicace spéciale à Faye qui est malade. Et du coup, je passe notre chanson. C'est Unforgettable de Nat King Cole. Donc voilà, c'est pour lui faire plaisir. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Et c'était Unforgettable de Nat Cole. Donc c'est la petite dédicace pour Faye qui est malade et qui est à la maison. Et on va passer avec notre ami Starflord. Salut Starflord. Salut James, salut Comics et Autobris. Salut. Qui salut. Va nous parler du jeu vidéo la semaine. Donc Last Fight dont on a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, Last Fight, donc, c'est une petite réunion qu'il y a eu entre l'équipe de la bande dessinée Batman et le studio Piranha King. Et c'est donc un petit studio indépendant qui ont fait leur tout premier jeu, qui est en rapport avec la bande dessinée Batman, donc, qui s'appelle Last Fight. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du gameplay, tout ça, les personnages? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, le jeu, il est sur PC, PS4 et Xbox One. Ouais. C'est un jeu de combat, donc, qui se joue jusqu'à 4 joueurs en local. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal, vu qu'on n'a plus trop de jeux en local en ce moment. Et, il n'y a pas de online, du tout. Il n'y a pas de online. Pas, ah, pas pour le moment. Donc peut-être que ça va se développer, ils savent pas encore. Y'a pas de Wii U. Non, pas de Wii U. Elle me sert à rien cette console, c'est pas vrai. Je vends une Wii U, tiens, si tu veux. Est-ce que tu l'échanges contre 2 tomes de Walking Dead? Non, même un, ouais. Non, vas-y, continue. Ouais, donc du coup, le jeu est plus en référence à Power Stone. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à Power Stone. La même référence que Sullivan. Ouais, à mon avis, ça doit vraiment être... Non, je connais pas du tout ce jeu. C'est, en fait, c'est en 3D isométrique, non? Enfin, 3D isométrique, c'est en vue du dessus avec une espèce de... C'est exactement ça, ouais, voilà. Tu as une vue aérienne qui donne plan sur la map et sur tous les personnages, dans tous les joueurs. Et donc là, il n'y a pas de problème de caméra, ça va pas dans tous les sens, comme un Naruto Storm... ou n'importe quel jeu de combat, ouais. Mais voilà, le principe est simple, c'est que on a donc des joueurs qui peuvent jouer de 2 jusqu'à 4 dans une arène avec des objets, avec des power-ups et surtout la possibilité d'utiliser des ultimes, des shops et donc faire des petits combos. Ok. Et qu'est-ce que oh putain mon dieu, j'arrive plus à parler sur la fin. j'étais en train de dire, c'est quoi selon toi les raisons pour acheter ce jeu à tout prix? Bah, je pense que la raison principale de jouer à ce jeu, c'est pour jouer vraiment entre potes à 4 sur un type de jeu de baston comme on n'en fait plus maintenant. Ouais. Après, l'autre véritable raison d'y jouer, c'est parce qu'on est fan de Last Man. Parce que le jeu est une référence directe à la bande dessinée, puisque c'est pas pour spoiler, mais à un moment donné, c'est dans le tome 3 ou 4, j'en dis pas plus, il y a un des personnages qui joue à une borne arcade et qui voit le personnage de Richard. Il y a écrit Last Fight sur la borne arcade. Ah, donc c'est une référence dans la référence, ok. Et exactement. Du coup, est-ce que dans l'univers de Last Man, le jeu se déroule à quel moment En fait, c'est juste un produit de pure fan service dans l'univers de Last Man. C'est-à-dire que ça ne se passe pas avant, après ou quoi. En gros, pour expliquer un petit peu, Richard a eu du succès, c'est un petit peu une star quelque part, et du coup, j'ai le droit... Et voilà, c'est une star de la boxe, du coup il a eu droit à ses produits dérivés, dont un jeu vidéo, et donc on y retrouve un ou deux, trois personnages qui sont vraiment issus de l'univers de Last Man, dont je n'en dirai pas plus, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as une idée du prix du jeu? 14,99 sur le PSN, okay. Je vais aller checker. Tu viens de checker. Voilà, exactement. C'est pas trop trop cher, et ça vaut le coup d'acheter ce petit jeu sympathique pour soutenir la petite équipe de la semaine. Et pour pour finir, est-ce que tu veux parler vite fait de ta chaîne, de ce que tu fais pour te faire un peu de promo? Ouais, bah bien sûr. Donc moi, c'est Starflore, bien évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que je fais? Je fais du jeu vidéo principalement, à la base sur Overwatch, mais je me développe un petit peu sur les AAA et du jeu indépendant. Après, je fais un petit peu comme ça me chante, mais là, je vais ouvrir une chronique qui va être ouverte à la pop culture, où je vais pouvoir parler de trois œuvres qui sont en lien avec un seul thème. Donc par exemple, la semaine, je pourrais parler de la BD, du jeu vidéo, de la série animée, par exemple. C'est parfait, ok. Et comme on était sur la semaine, est-ce que tu as deux raisons pour être ce soir devant ta télé à regarder l'animé La Semaine sur France 4? Parce que je dirais que déjà, la principale raison, c'est qu'on peut faire des bons trucs en France, et enfin, on arrive à le montrer sur nos écrans, même si c'est tard le soir, mais en même temps, c'est un petit peu violent, tout ça, donc c'est normal. Et puis parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la semaine à la télé, et puis il n'y a rien de mieux, il n'y a rien à la télé, voilà. Ok. Oui, ça, c'est un bel argument, c'est vrai qu'à la télé, il n'y a pas grand-chose. Effectivement. Bah, merci beaucoup à toi, Starfland, c'était vraiment gentil d'intervenir pour nous parler de ce jeu vidéo. Merci à toi, et nous, on va conclure sur nos coups de cœur, ouais, et nos coups de gueule. Du coup, est-ce que tu as un petit coup de cœur ou une petite attente, Mathieu? Oui, moi, qui s'appelle Injection, jeu qui est peut-être sorti en français, de Warren Ellis, de Clan Chelvé au dessin, et je crois que c'est Jordi Belair qui fait la colo. C'est assez difficile d'en parler, j'ai eu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui connaissent un petit peu Planetary, ça ressemble, grosso modo, c'est un groupe de plusieurs humains, même un peu plus qu'humains, souvent même méta-humains, qui ont formé un groupe poussé par le gouvernement pour tenter d'accélérer tout ce qui est sociétal, la recherche, d'accélérer un peu notre mode de vie parce qu'on stagne, et qui ont eu l'excellente idée de lâcher sur internet une entité semi-vivante qui est devenue complètement autonome et qui commence de manière très même tentaculaire et assez mystérieuse à manipuler pas mal de choses. Et c'est le genre de comics qu'on va devoir lire 2-3 fois pour bien voir l'ensemble de l'œuvre. Rien qu'à la fin du tome 2, on se rend compte que ce qui se passait dans le tome 1 et dans le début du tome 2 était complètement lié. C'est profond, c'est très dense. C'est pas forcément facile à lire, mais une fois qu'on se jette dedans, c'est vraiment assez enrichissant, c'est vraiment valorisant même de voir ce que finalement, voilà, tout se tient, tous les personnages, tout est lié. Declan Shelvey au dessin qui a fait un peu de Moon Knight, c'est assez simple, mais c'est bien pichu. Moi, il était pas Comic Gone lui quand on y était. Ouais, j'aime bien son style. Alors pour la petite histoire, je crois que j'ai un print de lui. Il a demandé à Warren Ellis de lui faire une histoire comme ça tranquillou chez Image Comics, et Warren Ellis a fait pas de problème, paf, il a pitché Injection et du coup, ça marche plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est. Du coup, c'est sorti en VF. Petites infos, ça sort le 20 janvier 2017 pour la modique somme de 10€. Chez quel éditeur? Chez Urban Comics. Ok, c'est cool. On en parlera peut-être dans une émission. Oui, ouais, à l'occasion. Ouais. Donc c'est Warren Ellis, il fait Trees aussi qui est sorti un peu. Donc c'est un peu ce genre d'univers un peu obscur, mais ça mérite de rentrer dedans. Ça demande un petit effort, mais c'est vachement bien. Ok. Et toi, Maxime, tu voulais nous parler d'un truc complètement hors comics? Mais complètement hors comics. Qui est sorti d'ailleurs vendredi. On l'attendait que demain. C'est Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Ah oui. Vas-y. Du coup, pour la petite histoire, je n'ai plus trop le temps de lire des comics. Je n'ai plus trop le temps d'avoir des loisirs en ce moment. Et du coup, t'achètes Pokémon, c'est vraiment. Et du coup, j'achète Pokémon parce que je suis une grosse merde. Tu es faible. C'est ça. Tu l'as dit toi-même. Donc du coup, j'ai pour réduire ma journée, enfin pour pouvoir optimiser mon temps, j'ai coupé dans mes heures de nuit. Je dors 2 heures de moins, si je joue 2 heures de plus à Pokémon Lune. Ça tient la route. Ça tient la route, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais j'ai eu un Donald Trump sur. Donald Trump? Oui, vous tapez Donald Trump Pokémon et c'est un petit Pokémon et à la fin il se transforme en Donald Trump, comme ça il est pas content. Oh d'accord, c'est génial. Est-ce que tu peux nous donner les nouveautés de ce nouveau jeu? Alors l'histoire se déroule en fait sur une petite île, enfin sur un archipel, là où vous avez plus de régions comme les autres, et en fait chaque île a sa spécificité, a un gardien infini. Ça casse vraiment le système d'avant où on allait d'une ville, on pétait le champion d'arène, on avançait dans l'autre ville, après on faisait la ligue. Là il y a les gardiens. Là c'est des archipels, et du coup dans chaque île il y a une petite épreuve, donc il faut prendre en photo tel Pokémon, il faut jouer à cache-cache, hein. Et après à la fin on se frite avec le doyen et le gardien. Enfin le gardien, doyen. Pardon, excuse-moi, le gardien de l'épreuve, et après on va dans l'autre île et on se pète la gueule, enfin on refait des mini-jeux. Ok, c'est vraiment pour les fans de Pokémon ou même les gens qui ont pas. Mais du coup, Pokémon c'est beaucoup casualisé, donc franchement c'est accessible à tout le monde. Et là on vous explique vraiment bien, on vous dit, vous savez, c'est ce Pokémon, si il est d'un caractère ronchon, il sera peut-être plus revanchard que s'il est flemmard, en fait il se fera latter la gueule, il en aura rien à foutre, tu vois. Exactement. Donc c'est beaucoup. On vous explique beaucoup plus, il y a beaucoup plus de. Avant, sur les anciennes versions, moi j'avais mon iPad à côté, je regardais les natures de chaque Pokémon pour voir un petit. Vous êtes à fond sur la stratégie en fait. Voilà, j'étais à fond sur ça, alors que là en fait on t'explique tout et du coup tu fais ton équipe comme tu veux. C'est aussi lourd que certains Zelda où pendant 2 heures ils t'expliquent comment monter à l'arbre, courir, tirer. C'est ça là, du coup j'en suis à 8 heures de jeu et j'ai fini le tuto. Ah oui. D'accord. Si tu veux savoir, voilà. Oui, donc, effectivement. Bon, moi, je vais passer à mon propre coup de cœur. Vous êtes foutu de ma gueule la semaine dernière parce que je faisais de l'auto-promo. Et ben, je vais le refaire. Moi, je vais vous parler des Animaux Fantastiques, mais je vais faire mieux que vous en parler. Je vais vous pousser à aller sur la chaîne YouTube de l'Amical du Geek parce qu'on a enfin fait une nouvelle vidéo après 3 mois d'absence. C'est Faye qui nous a proposé une petite critique du film de David Yates dans l'univers de Harry Potter. Allez sur la chaîne de l'Amical du Geek, vous retrouverez ça. Et franchement, un super film. Allez voir au cinéma, c'est vraiment cool. Et allez voir la vidéo, allez mettre des pouces bleus et partager la vidéo parce que ça nous fera plaisir et ce sera gentil. La pauvre Faye qui est malade, oui, pour elle, faites-le pour elle. Du coup, on va conclure sur une chanson choisie par notre ami Mathieu. Donc, c'est du Metallica, comme demain sort le nouvel album. Ça est sorti, elle n'est pas encore écoutée, elle est sortie. Elle est sortie déjà, ok. Ouais. Et c'était quoi la chanson, je ne sais plus. Black End, Justice for All 1988. Ok, et du coup, moi je vous rappelle que si vous voulez rejoindre l'équipe, vous avez vu, on est en équipe restreinte. Donc si vous voulez venir parler de comics avec nous et que vous êtes de Montpellier, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@comicsdiscovery.fr. Vous pouvez aller sur le site web où vous retrouverez toutes les infos, le comics, enfin le Twitter, le Facebook, tout ça. Donc comicsdiscovery.fr. Et sur ce, on va vous laisser sur de la bonne musique. Voilà, et ce soir 23h France 4. Last Man. Allez, bye bye. Allez, ciao. Bonsoir.